Ainsi, tout en devisant et marchant avec elle, il apprit la propriété des herbes et toutes les recettes pour la guérison des personnes et des bêtes. Il sauve ainsi une vache, un poulain et un chien. De ce fait, l'amitié que Landry avait conçue pour la fadette s'augmenta de toute la reconnaissance qu'il lui dut pour son instruction et de toute l'estime qu'il faisait du talent de cette jeune fille. Il reconnut aussi qu'elle avait pris plus à cœur l'intérêt et l'utilité de son amoureux que le plaisir de se laisser courtiser et flatter sans cesse comme il le souhaitait d'abord. Landry fut bientôt si épris qu'il avait mis tout à fait sous ses pieds la honte de laisser paraître son amour pour une petite fille réputée laide, mauvaise et mal élevée. Mais si Landry était trop animé dans son amour pour y mettre de la prudence, en revanche, la petite fadette, qui avait un esprit porté au mystère, et qui d'ailleurs ne voulait pas mettre Landry trop à l'épreuve des taquineries du monde, la petite fadette qui, en fin de compte, l'aimait trop pour consentir à lui causer des peines dans sa famille, exigea de lui un grand secret qu'ils passèrent environ un an avant que la chose se découvrît. Sylvinie, voyant que Landry ne s'occupait plus de la Madelon, se réjouit bien de penser que Landry n'était pas pressé de lui retirer son cœur pour le lui donner à une femme. Et la jalousie le quittant, il le laissa libre de ses occupations et de ses courses, les jours de fête et de repos. De cette manière, Landry pouvait rentrer à l'heure qu'il voulait sans réveiller personne, et il avait toujours son dimanche à lui jusqu'au lundi matin. Et durant l'hiver, où les nuits sont si froides qu'on pourrait difficilement causer d'amour en plein champ, il y avait pour Landry la petite fadette un bon refuge dans la tour à Jaco, qui était l'ancien colombier, abandonné des pigeons depuis de longues années. Quand le temps était doux, ils allaient parmi les tailles qui sont jeunes bois de coupe. Ce sont encore bonnes retraites pour les voleurs et les amants. Et, comme de voleurs, il n'en est point dans notre pays, les amants en profitent et n'y trouvent pas plus la peur que l'ennui.